Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant is dead. Bienvenue à tous dans Transmission, le 15e du nom. Et oui, on est déjà de retour. Cette fois-ci, on a mis les bouchées doubles pour pouvoir vous proposer cette nouvelle émission assez rapidement. Donc ce soir, on parlera de Disaster Artist de James Franco. Il y aura aussi Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Il y aura Shape of Water de Guillermo del Toro. On fera un détour par les studios Hardman pour parler de Croman. Et enfin, on finira par Phantom Thread, le film événement de Paul Thomas Anderson. Je suis encore une fois très bien entouré ce soir de Julien Rombaud. Bonsoir. Tu nous parleras de Disaster Artist en premier puisque tu as écrit un article pour Le Passeur Critique. Il y a aussi Manuel As qui est là. Salut Olivier. Lucien est venu en envoyé spécial de Liège pour nous parler ce soir, entre autres de Call Me By Your Name. Salut. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Disaster Artist, le film de James Franco. Don't talk about me, not to class, not to anybody. Yeah, no, of course. Sharp on time, try not to fall asleep, everybody. Am I hearing an accent? Oh, no, what do you mean? How old are you? No, why, I'm Greg age. You're 19? Yeah, I just turned 14. Wow, happy birthday. This is my movie, and this is my life. Donc Disaster Artist, c'est le nouveau film de James Franco avec son frère Dave Franco et aussi son acolyte Seth Rogen. C'est un film qui a fait quand même pas mal parler de lui, qui se trimballe une bonne réputation. Il a récolté notamment le Grand Prix au Festival de Saint-Sébastien. Et James Franco a eu le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour son rôle dans ce film où il incarne donc Tommy Wiseau, le réalisateur, producteur, scénariste et acteur principal du film The Room, qui se traîne la réputation du pire film de tous les temps. Le film est inspiré du livre de Greg Sestero, donc, qui est incarné par Dave Franco dans le film, et donc de sa rencontre avec ce fameux Tommy Wiseau au début des années 2000. Julien, qu'as-tu pensé de ce film ? Alors, sans être totalement enthousiaste ni totalement conquis, je trouve que c'est un film plutôt plaisant à voir et une comédie, en tout cas qui dans sa partie comédie est plutôt drôle et plutôt pertinente, sans non plus être à mourir de rire. Je trouve qu'il y a un déficit de scénario et un déficit de mise en scène, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est deux choses. C'est la première, c'est la lecture sur la célébrité. C'est-à-dire que je trouve qu'avec ce personnage de Wiseau, il y a une lecture caustique et cynique sur ce que c'est d'être célèbre et ce à quoi on est prêt à faire pour accéder à cette célébrité qui m'a assez intéressé, interpellé. Et la deuxième chose, c'est surtout une question de jeu. C'est-à-dire que le personnage de Wiseau, joué par James Franco, je le trouve assez fort et assez intéressant dans son interprétation. Parce qu'il arrive à incarner ce loser magnifique sans en rajouter, sans être condescendant, sans être idiot, mais avec beaucoup de compassion et pas mal d'humanité et d'intelligence, je trouve. Dans l'absolu, je suis plutôt d'accord. Après, je trouve que le film va pas très loin, ne tient que sur son sujet, qui est fascinant et plus émouvant que véritablement drôle. Et je trouve que Franco, en effet, est assez juste... Dans ce rôle dans lequel en fait il renoue avec son propre narcissisme mégalomaniaque maladif qu'il dénonce, et en fait à mon avis il s'est retrouvé un peu là-dedans, parce qu'il y a un truc, il y a presque une mise en abîme à ce niveau-là. Sinon c'est un film qui se regarde vite, qui s'oublie vite. Bah, c'est surtout que t'as l'impression que c'est un film qui survole un petit peu plein d'aspects, plein de possibilités offertes par cette histoire. C'est un film qui manque cruellement de point de vue. Tu ne peux pas penser au biopic fait par Burton qui est Ed Wood. Et là, tu vois clairement le problème de positionnement du scénario qui part dans tous les sens. Franco est effectivement touchant parce que tu parlais de l'aspect comédie, mais ce qui marche plus, c'est plutôt cet aspect plutôt tragique en fait, de ce personnage-là. la façon dont son film va être accepté, la pirouette en fait qui va lui permettre de passer à la postérité. Mais je trouve que le film, au-delà de l'imitation, je trouve qu'il n'y a pas vraiment grand-chose derrière. Un peu à l'instar de, toutes ces scènes balancées en post-générique, où on a un split screen, où on voit le film originel et le remake, beaucoup de rôles ne sont pas très intéressants. Seth Rogen, il pourrait ne pas être là dans le film, ça ne poserait aucun problème. Tu sais qu'il est là parce que c'est un pote, hop, on l'a fait revenir, mais son personnage n'a aucun intérêt, comme beaucoup de personnages périphériques du film, à part cette relation entre les frères Franco qui fonctionne plutôt bien. Le film survole complètement son sujet. Le problème, c'est que voilà, c'est comme la plupart des films de Franco derrière la caméra. Très vite, c'est des films qui s'étiolent complètement parce que tu as l'impression qu'au-delà de l'idée intéressante de départ, il a l'air de s'emmerder très vite, quoi. Ok, ben déjà, en trois avis, vous avez dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. En effet, moi, je trouve que James Franco est assez... comme tu l'as dit, il tient vraiment bien une ligne entre le ridicule et en fait, le côté assez attendrissant du personnage. Le film n'est pas très drôle, finalement. Je le trouve surtout profondément déprimant, puisque à la fin, quand même, le personnage accède à une forme de notoriété, mais c'est dans un déni complet de lui-même et de ce qu'il a voulu faire. Donc il nie sa propre personnalité, en fait, et il se vautre là-dedans. Je trouve ça vraiment très, très dur à encaisser. Moi, c'est un film qui m'a quand même assez bien déprimé. D'autre part, c'est vrai ce que tu dis, Manu, je pense qu'il survole plein de trucs. Il y a plein de personnages secondaires qui ne sont pas intéressants. Et alors, à un moment, il y a une scène assez étrange. Tout le monde est en train de manger à midi et alors il va s'intéresser au personnage secondaire du film pendant 3 minutes. Et là, il y a celle qui joue la mère dans le film The Room qui dit au moins on est là, c'est vrai que c'est horrible, mais au moins on joue, on est sur un plateau et chaque jour sur un plateau vaut 15 fois plus que tous les autres. C'était une piste qui était pourquoi pas intéressante pour traiter cette histoire-là de Disaster Artist. Je trouve que le film tient beaucoup sur son sujet principal et surtout sur le livre. Et c'est à la fois, je trouve, son attrait principal et aussi sa faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a un mystère qui est entretenu sur Tommy Wiseau, sur la manière dont il a récolté son argent, etc. Et pas un petit mystère, parce que je veux dire, quand tu vois les millions qu'il a sortis pour le film, il y a quand même quelque chose à creuser que juste cette idée, non, l'argent n'est pas un problème, qu'on évacue systématiquement en une ou deux phrases sibyllines pendant le film. Je trouve ça un peu dommage. Oui, bien sûr, moi aussi je trouve ça dommage, mais en fait il est limité par les faits réels, entre guillemets, parce que voilà, on ne sait pas, personne n'a jamais su, Greg Sestero lui-même ne sait pas. Et en fait, le film converge en fait vers une scène de climax qui est une scène entre Greg Sestero et James Franco, donc Tommy Wiseau, où il rejoue des échanges au ballon de football américain. Ils reviennent à San Francisco pour tourner cette scène-là et où donc le personnage incarné par Dave Franco va confronter Tommy Wiseau, justement, tous les mystères qui tournent autour de lui. Et en fait, cette scène, elle monte en intensité, mais finalement, elle tombe complètement puisque on n'a pas toutes ces réponses. Et c'est assez dommage, en effet, de ne pas gratter ce truc-là parce que ça... On passe à côté d'un beau conflit, d'un beau dilemme, mais voilà, il est limité en fait par les faits réels sur lesquels il base le film, je trouve. Ok, bah écoutez, on n'a rien de plus à dire sur Disaster Artist. Voilà, je vous propose à tous d'enchaîner avec Call Me By Your Name, le film de Luca Guadagnino. All to see without my eyes, the first time that you... Is there anything you don't know? Boundless by the time I cried. You only knew how little I know about the things that matter. Build your walls around. What things that matter? White noise, what an awful sound. You know what things. Rolling by road. You're saying what I think you're saying. Feel my feet above the ground. You shouldn't have said anything. And just pretend you never did. By mine. Alors, même si je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de voir Call Me By Your Name, je vais quand même faire la petite intro. Donc, c'est un film du réalisateur Luca Guadagnino, qui a réalisé auparavant un remake de La Piscine avec Ralph Fiennes et Mathias Cunard, et qui maintenant est aux commandes du remake à venir de Suspiria. Ouh, on est impatient. Dans Call Me By Your Name, il y a Armie Hammer et La Découverte, apparemment, Timothée Chalamet. Le film a été écrit à quatre mains avec James Ivory. Et donc, c'est l'histoire d'un été en Italie au début des années 80. Elio, un garçon de 17 ans, va tomber amoureux d'un jeune universitaire de 24 ans venu vivre dans la villa de ses parents. Donc... Lucien, est-ce que on est en droit d'attendre le meilleur du remake de Suspiria ? Si Call Me By Your Name n'a rien d'original, il est pour moi assez fonctionnel. Mais je pense que le film est totalement survendu et gagnerait à être présenté comme ce qu'il est, à savoir une jolie et délicate romance et non un chef-d'œuvre terrassant de sensualité et d'émotion. Voilà, je trouve qu'en effet, Chalamet, Hammer, même Esther Garel, etc., sont très jolis, sont très justes. Voilà, la lumière, pareil. Il y a un truc très doux, très vaporeux dans tout le film, dans la musique de, je crois que c'est Sufjan Stevens, souvent. Enfin, il y a plusieurs chansons. Hein. Voilà, c'est un peu hors du temps, indatable. Voilà, il y a un truc qui est assez plaisant là-dedans. Je trouve qu'il gère pas trop mal la montée du désir, de la sensualité dans le film. Pour s'achever à son paroxysme dans 10 dernières minutes qui sont pas mal, avec un dernier plan je trouve intéressant. Mais voilà, c'est vraiment très loin d'être le grand truc dont tout le monde parle. Un truc marrant, c'est que j'ai quand même pensé plusieurs fois en regardant le film à James Ivory avant d'apprendre, en regardant le générique final, qu'il l'avait écrit. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est absolument pas le chef-d'œuvre ou le grand film qu'on nous vend. Et je suis même plus dur parce que je ne vois pas beaucoup de troubles ni de sensualité dans ce film. Mais je trouve surtout que le gros problème et le problème principal du film, c'est que pendant une heure, je vois un téléfilm assez sympa, mais je vois pas beaucoup mieux. Je trouve que cette histoire amoureuse ressemble à une bleuette pendant une heure, jusqu'à ce qu'il y ait la scène un peu clé du film. J'ai l'impression de voir un sous Xavier Dolan. Bon, alors certains n'aiment pas, mais un Dolan sans fantaisie ni drôlerie. Et j'ai l'impression que ça pourrait être un scénario aux mains de Larry Clark qui ferait quelque chose de très subversif et de radical. Sauf que c'est assez mièvre et, tu l'as dit, assez sympa, assez joli, mais que ça ne va pas beaucoup plus loin. Je trouve que ça manque de radicalité. Et je trouve surtout que dans le trouble et dans ce que ça évoque chez cet adolescent, j'avais parlé dans mes conseils d'un film qui s'appelle Hearthstone, qui a le même sujet. C'est beaucoup plus réussi, beaucoup plus beau, beaucoup plus troublant. Ici, je trouve que ce soit physiquement, il ne se passe pas grand-chose chez l'un ni chez l'autre. Et psychologiquement, je n'ai pas non plus été... chamboulé par le film. J'aurais encore des choses à dire, mais je passe la parole. Ouais. Ouais, je pense qu'il cherche à travailler ni l'un ni l'autre, ni vraiment le physique, ni vraiment la psychologie des personnages, mais plus juste un truc un peu intangible, une sensualité juste et très, très en surface, on est d'accord, mais à part dans les 10 dernières minutes où je trouve qu'il y a un monologue du père qui n'est pas totalement inintéressant. Après, tu parles de Lan et de je sais même plus qui de Clark. C'est sûr, c'est pas du tout vers là que va le film, mais c'est pas son but non plus. Enfin, tu peux pas reprocher un film de ne pas être le film de quelqu'un d'autre. Et c'est surtout que si on le compare au cinéma de Dolan, au moins il vire pas dans l'hystérie. Là, je trouve qu'il est plutôt tenu comme film. Je vous trouve assez dur quand même avec le film. Alors effectivement, je pense qu'il y a quand même un problème de gradation dans l'histoire où la naissance de cet amour met beaucoup de temps à arriver et qu'on se retrouve dans le dernier acte à devoir précipiter un peu les choses tout en essayant de conserver ce rythme un petit peu languissant, lancinant du récit. Et donc je trouve que ça pose à mon sens un petit problème. Je trouve que l'interprétation est parfaite de bout en bout. Elle est hyper juste, autant chez Hammer que chez le jeune garçon, le personnage principal. Et pour le coup, la radicalité, elle est peut-être un petit peu en off par rapport à tes attentes, Julien. C'est justement que tout ce qui pourrait être les personnages repoussoirs de cette histoire, tous les regards extérieurs vis-à-vis de ce qui se joue de cet amour homosexuel, est complètement déminé. C'est déminé avec la petite amie. Tu comprends qu'elle sait ce qui s'est passé. Comme dans ce très beau monologue qui est du père, qui est joué par Michael Stuhlbarg et qui incarne un peu une position morale. Il a un très beau monologue auprès de son fils. Et je trouve justement ça fait du bien de voir ce type de romance-là s'autoriser d'être justement peut-être juste une simple bleuette. Je vais caricaturer, mais je trouve ça au contraire peut-être assez punk justement de raconter ça juste comme une histoire normale, une histoire d'amour classique, puisque l'acte en tant que tel est ellipsé comme dans un grand mélodrame hollywoodien classique, pas avec le plan de panoramique sur la cheminée, mais sur la fenêtre de la chambre, et justement d'assumer cette idée de qu'on n'est pas dans... On n'est pas en train de défendre une position ou de tenir un propos sur l'homosexualité en général, mais juste de se contenter de raconter la naissance d'un amour qui se trouve être un amour homosexuel. Et c'est tout. Il y a une métaphore que je trouvais assez intéressante quand ils vont rechercher une statue dans l'eau, déterrer ce corps, comme ces deux personnages déterrent un désir... pour un corps masculin d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je... Donc, ouais, moi, je trouve ça aussi très intéressant de ne pas faire état de cette histoire d'amour homosexuel. C'est juste une histoire d'amour comme une autre. Je suis d'accord avec vous totalement quand vous parlez de la position du père qui est très belle. J'ai aussi été touché par ce monologue. De la mère aussi. Et de la mère et même d'Esther Garrel, où je trouve qu'effectivement ça fait du bien. Et ça donne du sens que tout le monde ne soit pas contre cet amour. Mon souci dans la radicalité, c'est les scènes de sexe. Filmer une scène où il y a pénétration avec un jeans et une robe, moi par exemple, je trouve ça assez ridicule. Bon, alors c'est pas le plus important du film. Mais je trouve que le désir est chaque fois enlevé, refoulé, et qu'on n'y a jamais accès. Je trouve quand même qu'il y a des symboles ici assez lourds, notamment celui du fruit. Donc, est-ce que c'est une nectarine ou une pêche ? Effectivement, la scène de la pêche, là, tu as l'impression qu'on... Tu as peur que le film bifurque, justement, au-delà de cette histoire d'amour, pour faire une sorte de version homo d'American Pie avec une pêche, un côté régressif. Mais à part ce genre de petite fausse note dans le film, je trouve que le film tient sa repartition assez bien. Voilà, moi, j'ai très peu entendu parler du film. J'y suis allé un petit peu limite à reculons en m'attendant le film homo qui doit se positionner, qui doit se positionner un peu comme un film à thèse, et qu'à un moment, ça va prendre le dessus sur les personnages et sur l'histoire. Et je trouve que justement, ça n'arrive que très très rarement dans le film. C'est marrant que tu sois allé sans a priori, parce que moi justement, c'est peut-être ça qui m'a un peu abîmé la vision du film, c'est que j'en avais tellement entendu de bien que presque inconsciemment, j'en attendais plus. Je pense aussi que j'ai eu des attentes par rapport à ce que j'avais entendu. Ça, c'est pas une mauvaise piste, Lucien. Et attention, je note quand même que j'ai passé aussi un bon moment. Et je trouve pas le film... J'ai pas envie de le démonter, ni de dire que c'est un mauvais film. Je pense simplement que ça aurait pu aller plus loin dans certains aspects. Mais bon, ça n'engage que moi. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller gratouiller dans la filmo de Franco. C'est son docu vaseux sur les scènes coupées de Cruising. Merci messieurs, eh bien, pour ce beau débat. Ça me donne plutôt envie d'aller découvrir le film. Désolé, Julien, mais bon. Vas-y, vas-y. C'est vrai que j'étais pas très chaud à la base, mais bon, voilà, finalement, pourquoi pas. Donc, on va enchaîner tout de suite, maintenant, après l'échauffement. Allons-y, on va parler de The Shape of Water, la forme de l'eau de Guillermo del Toro. When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous. The natives in the Amazon worshipped him like a god. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart, learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. Alors, La forme de l'eau, c'est le nouveau film du Mexicain Guillermo del Toro, avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins et Doug Jones, entre autres.

Je ne sais pas si c'est le meilleur film de Del Toro comme il peut être vendu, mais en tout cas, à mon sens, c'est vraiment son meilleur film américain où il synthétise le mieux sa sensibilité, on va dire, entre, dans gros guillemets, européenne, puisqu'il n'est pas européen, mais ce qu'on a pu voir dans Le Chine du Diable, ce qu'on a pu voir dans Le Labyrinthe de Pan, et sa dimension d'un grand cinéaste de divertissement. Il est porté par un élan qui est ce romantisme qui est profondément ancré dans le cinéma de Del Toro. C'est un truc que tu retrouvais dans la relation entre Mako et Stoker, dans Pacific Rim, personnage tragique de Conchita dans Les Chines du Diable, la relation Lee Sherman et Hellboy, celle de Hellboy avec son père. Je trouve que cette dimension romantique qui est vraiment très, très ancrée dans le cinéma de Del Toro n'appelait aussi qu'à ce type de film, à cette fable qu'on a l'impression tout d'un coup de se dire d'où elle sort de chez Del Toro, mais en fait qui est déjà inscrit depuis très longtemps cet aspect-là dans son cinéma. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Del Toro, qui s'est construit sa carrière aux États-Unis avec beaucoup de films qui ne se sont pas faits, il est attaché au projet justement, de La Belle et la Bête, qui s'est fait avec Emma Watson, qui, je croyais déjà à l'époque de Del Toro, devait se faire avec Emma Watson, et qui a fini par cette comédie musicale réalisée par Bill Condon, c'est ça ? Et voilà, c'est intéressant de voir que ce film-là, mais à travers ses différents stades, pour aboutir à la forme qu'il a aujourd'hui avec La Forme de l'eau, quoi. Très bien, merci. Je propose qu'on fasse un détour rapide par Cro-Magnon, le film de Nick Park. Chief! Time to go hunting! Bit early, isn't it dark? Right, grab a spear. Oh, it's pointy. Change your underpants today? Yeah, changed them with dongle. Never mind. Shush, everyone! Alors, Cro-Magnon, c'est la nouvelle production des studios Aardman, quelques années après, 2 ou 3 ans, je pense, après Shaun le Mouton. C'est un film réalisé par Nick Park, qui a réalisé les moyens-métrages qui ont fait la gloire de Wallace et Gromit, Un mauvais pantalon, Rasé de près, tous ces moyens-métrages absolument fabuleux. Ce nouveau film, Cro-Magnon, est avec les voix de Eddie Redmayne et de Tom Hiddleston. Et donc, c'est l'histoire de Doug, qui est un homme préhistorique. Sa tribu est à l'âge de pierre. Il se balade avec son meilleur pote, qui est un cochon, qui s'appelle Ognob. Et un jour, il y a une tribu, qui elle, à l'âge de bronze, qui arrive, qui pille le village et qui veut faire une mine dans la vallée de Doug. Et donc, Doug et sa tribu se retrouvent dans les terres arides. Mais il se trouve que la tribu qui est à l'âge de bronze, elle adore jouer au football. Donc, en fait, Doug fait un pacte avec le méchant, il dit « Si jamais notre tribu vous bat au football, alors vous nous rendez notre vallée. » C'est une histoire un petit peu abracadabrantesque, n'est-ce pas ? Qu'as-tu pensé de ce récit, Julien ? Je me suis plus ou moins laissé porter par le film, qui n'est évidemment pas déplaisant. Je trouve qu'il y a une chouette ouverture. Je trouve que le début est drôle et inventif, mais je trouve le film un peu irrégulier. Je trouve qu'une fois que le monde de bronze arrive, ça perd un peu en consistance et j'arrive pas trop à identifier. Je pense que ça reste un peu convenu et qu'on pouvait attendre mieux parce que l'humour repose beaucoup sur les anachronismes, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils ont été un peu fainéants sur le coup. Même sur cette fin du match de football où je suis sûr que ça pourrait être bien plus drôle que ce que je vois. C'est drôle, ça reste un peu sympa quand ça cite le football, les simulations, la corruption, les commentaires un peu débiles, les commentateurs un peu débiles. Mais ça reste un peu sage par rapport à ce que j'attendais aussi de Wallace et Gromit. Je le trouve paresseux et je le trouve pas si drôle que ça et donc en dents de scie. Il y a des gags qui sont purement héritiers du cinéma muet, enfin du burlesque. Il y a des temps de suspension qui sont absolument géniaux dans les moyens-métrages de Wallace et Gromit. Ici, je trouve qu'on est sur un truc extrêmement attendu. J'ai trouvé ça pauvre en personnage, pauvre en gag. Seul le sidekick du cochon est le personnage le plus drôle. Et aussi, t'as le chef des méchants, et alors la meilleure scène, c'est celle où ils sont tous les deux, quoi. Sinon, je trouve que le héros n'est pas du tout fouillé, et alors sa relation amoureuse, c'est proche du néant. Je trouve que le héros n'est pas du tout intéressant. Et surtout, alors le pire de tout, c'est que je trouve le film est laid. Une fois qu'ils sont sortis de leur vallée, il y a un travail sur les fonds, un peu en matte painting comme ça, qui fait très hétérogène.

qui est extrêmement documenté, très intéressant, puisque c'est une équipe qui a vraiment accompagné ses débuts de récession critique en France, donc qui a vraiment noué une relation avec Del Toro, et donc c'est extrêmement intéressant. Il y a notamment, pour vendre un petit peu la chose, une anecdote assez croustillante sur la réception du Labyrinthe de Pan à Cannes, où Del Toro était furieux contre Wong Kar-wai, qui est venu à la projection à regarder le film avec ses lutins noirs tout du long. Et donc voilà, bon, ça regorge d'anecdotes sur le système Miramax, sur le système Dimension au moment de la production de Mimic, ses rapports conflictuels justement, et ce film un petit peu traumatique et fondateur de son premier film américain, qui fait qu'il aura abordé toute sa carrière par la suite de manière très différente, entre guillemets, en n'allant pas sur des projets qu'il ne sentait pas, qu'il ne pourrait pas mener à terme tel qu'il les voulait. Donc voilà, vraiment, je crois que ça dure 2h30, 2h45, il faut prendre son temps, mais c'est vraiment extrêmement intéressant et passionnant. Merci. Moi, je vais conseiller, tant que j'ai le micro, une émission de radio qu'on peut aussi écouter sur YouTube. Ils mettent les émissions sur YouTube, qui s'appelle « Le cinéma est mort », l'émission nécrophile de Canal B. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Canal B, apparemment, c'est une radio rennaise. Donc, c'est une émission de cinéma bretonne. Et notamment, comme on a parlé de The Room aujourd'hui, ils ont fait une émission très intéressante il y a quelques temps sur les nanars et sur l'espèce de culte étrange et ambivalent sur le nanar qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce qu'on se moque de quelque chose parce qu'on ne connaît pas les codes, ou est-ce qu'on se moque de quelque chose puisqu'on atteint une espèce de dimension méta ? Est-ce qu'il y a de la méchanceté dans le rire que l'on a quand on regarde un nanar, ou est-ce qu'il ne faut juste pas en rire ? Est-ce que ce n'est juste pas drôle ? Et moi, je vais faire très court. Hein. Je vais vous conseiller le dernier film de Storaro, qui est aussi le dernier film de Woody Allen, qui est un Woody Allen comme un autre, à savoir pas mauvais, tout à fait. Il est aussi bon que son excellentissime dernier film, hein ? Dont on a parlé dans Transmission, qui, à part la lumière de Storaro, n'avait pas beaucoup d'intérêt. Je le trouve un peu meilleur. Après, moi, je détestais pas le précédent non plus. Mais la lumière de Storaro est brillante et c'est toujours plaisant de se rappeler qu'il existe un aussi grand directeur de la photo aujourd'hui encore. Et pour finir, Julien, ton conseil ? Mon conseil, c'est d'aller sur le site de la Cinémathèque française, où on peut trouver une masterclass de Paul Thomas Anderson, dont nous avons beaucoup parlé, et dans laquelle il s'exprime sur différents sujets très intéressants. Le jeu d'acteur, dont on a beaucoup parlé ici, mais aussi sur tout ce qui est processus d'écriture, etc. C'est très intéressant. Foncez. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cette émission très intéressante. Et on se retrouve, je l'espère, le mois prochain, peut-être avec un kéchiche au programme, au plus grand bonheur de Manuelas. Et on verra aussi ce qu'on a de beau à vous proposer. À très bientôt. Au revoir. Merci de votre écoute.